J'écris, je bouffe du code comme Zuckerberg. Le cœur glacé comme un iceberg. J'ai pas de Louis Vuitton, Gucci, iceberg. Quand ça va pour toi, ils disent tiens l'iceberg. Tu connais pas mon parcours, tu sais pas par où je suis passé. Et t'es l'heure par où je suis passé, y'avait les flics comme un divide parcours. Ces bâtards, je les connais par cœur, ils parlent de moi au passé. Je pourrais vite te remplacer, je connais des gens au placé. Je dis Hamdoullah tous les matins quand je respire. Au poteau, c'est mon vécu, pas tiens qui m'inspire. Je dois tout niquer dans le rap avant que mon délai expire. De toute façon, je sais qu'au fond, c'est des salopes, pas besoin que je tire. Tu m'as trahi, je vais plus te voir. Tourcoin, les petits roules sans permis, zigzag sur les deux voies. Je fais des cauchemars bizarres le soir. Des fois, quand je passe chez ma soeur, son voisin jamais il me dit bonsoir. Je crois qu'elle lui plaît pas ma gueule, comme celle de mes potes. Moi, c'est pas de ma faute, c'est dans mon quartier, y'a un petit qui nique la femme de la gueule. J'ai niqué la police, on peut ce soir là, j'étais bleu. Contrôle de routine au quartier, ça pue la peu dans la JT bleue. On t'a tout mis dans tes mains, poteau, dis-moi pourquoi tu te plains. Je t'ai dit, vas-y, je la donne, la voiture et quoi, tu vas encore, je te mette le plein. Faut arrêter de se plaindre, faut pas dire si t'es plein. Zerma et Tim, mais quand y'a un bruit, j'entends qui porte plein. J'crame pas des clubs, rejoins dans la cabine, j'calcule pas ses formes, j'donne pas mon snap, t'es folle. On me dit Gibbs, t'es fort. Dommage, t'es pas d'ici, j'bois du Jack ce soir, les pieds dans la piscine. Action, réaction, ça va vite dans le secteur. Action, réaction, nique sa mère les projecteurs. On veut le nectar, des terrains en nectar. Mauvais tel le crétard, ça me met en pétard. J'ai tous les défauts du monde, mais des principes en béton. Tu penses, j'ai plus la rage dans mes travers, je peux béton. Souvent, j'ai envie de serrer, je me dis laisse béton. Pour son cœur, le mieux c'est de se faire une cage en béton. C'est mieux de mener sa barque que d'aller faire le mouton. Quand les problèmes débarquent, que ça te fait sortir des boutons. Dans cet temps, ça évoque en passant par les vagues. Dans les vagues, on les voit que les gens qui sont maléfiques. Je garde mes cheveux et mes couilles comme Chico. Fais l'innocent, invente un bayou comico. On aime les choses simples comme les choses compliquées. Viens pas en vie quand t'as envie de me piquer. Tes conseils, je te vois pas les appliquer. Quand c'est la merde, là, je te vois appliquer. La race traite, il faut éradiquer. Bien éduqué. Qui pilote la caisse et le KTM. T'as fait le corps, ça t'a remonté avec ton ADN. Tu fais le cave, ta daronne qui pleure, ça fait de la peine. Tu t'es mis dans la coque, tu veux coffrer pour le c'est pas Manhattan. Sans filer de doigts dans la prise. Un quartier, une crise, une rafale en plein mois de Ramadan. Un peu de matos, elles font les actrices, soulevées par l'octrice. Elle sera pas là pour ramener ton sac à la rame. Sur le bâtard, ça fait des combos. On va monter à 5 même si la voiture elle est carbo. Sois pas trop nia, piaf pas trop, sois vif vif. Faut pas faire du sale retour de flamme, ça va vite vite. Sur un scooter volé, ça cap, ça fait des bip bip. C'est son poteau, lui a sorti le couteau, il a fait des vite. Génération simple avec mes coques dans le nez. Dommage collatéraux, balle perdue dans le B. Embrouille sa forme, vite une équipe, tout le monde chargé dans la mégane. Y'a ceux qui viennent, ceux qui font les putes qui ont le dimanche déjà. J'ai plus de corazon, depuis que c'est pour la somme. Que ça te travaille, que les dégâts font les gars sombres. Il a eu des épreuves, Hamdou, il est encore en vie. Faut la tête au flash de Vovo, location somme, sa zone en ville. Un chargeur blanc, cas où ça pète. C'est comme ça au quartier, fini l'époque des têtes à tête. Et des lunettes quartier, et des lunettes quartier, et des lunettes quartier. Ça rentre au starminaire, ça ressort déterminé. La truie lui a poussé des couilles, d'un coup il s'est fait terminer. Génération, rien à foutre, rien à perdre, rien à vendre. Tout a gagné, à Marseille ça pue la merde. Tout le monde s'allume ou se fait condamner. J'suis pas ton collègue, prends pas pour un petit atteste. D'où viennent les petits sont matrixés, d'où viennent les petits agresses. On a la classe, on vient du 13, on a le sang chaud comme la braise. Ici c'est pas pareil, ici la détente. Oh Mike, c'est la crise, c'est que la lune on vise. J'sais que la miss me piste, elle veut des kisses. Pour se payer un glock, le petit économise, il te l'en mise. Lui t'a fait son vice, t'as niqué ton bise. La drogue il te l'a prise, ma force de trop skier, il va finir hors piste. J'visais le mundo, j'nique les poutos, filio des poutas. Et alors j'm'échappe franco, si tiens un couteau, t'étais où toi? J'vois que tu craches dans la soupe toi. Ouais, dis-moi t'étais où toi? Quand j't'en avec des peuples en soule toi. Hein? On n'a pas le même vécu, je vais te le dire combien de fois. C'est dur quand dans la vie, tu dois faire plein de choix.